نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Donc on continue notre livre l'ilm farduhu wa sharafuhu. Donc la science, ses bienfaits et sa noblesse. وقد وصلنا إلى الوجه الخامس والعشرون بعد المئة. Donc الوجه الخامس والعشرون بعد المئة. Donc nous sommes arrivés au point 125. العلم طريق البركة. العلم طريق البركة. La science est la voie à la bénédiction. قاله سبحانه عن المسيح أنه قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. سورة مريم من 30 إلى 31. Donc Allah سبحانه وتعالى dit donc vis-à-vis de Isa عليه الصلاة والسلام: Certes, je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et il a fait de moi un envoyé, un messager, et il m'a donné la bénédiction là où je suis. Donc il a fait de moi quelqu'un de béni là où je suis. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله جعلني مباركا أينما كنت قال معلما الخير. وهذا يدل على أن تعليم الرجل الخير هو البركة التي جعلها الله فيه. فإن البركة حصول الخير ونماؤه ودوامه. Donc Sofiane ibn Uyayna rahmallah dit: le fait qu'il a fait de moi quelqu'un de béni là où que je sois, c'est-à-dire enseignant donc dans le bien, le fait d'enseigner le bien, et cela est une preuve que lorsque l'homme enseigne le bien est une bénédiction qui a été placée par Allah Azza wa Jal. Et la baraka, la bénédiction, est le fait d'acquérir donc le bien, et le fait de le fructifier, et le fait qu'il soit aussi continuel. Donc il faut qu'il soit acquis et qu'il soit donc fructifié, c'est-à-dire il y a une augmentation et il y a aussi donc une continuité. وهذا في الحقيقة ليس إلا في العلم الموروث عن الأنبياء وتعليمه. Et cela en réalité n'est que pour la science qui a été héritée de la part des messagers et de le fait de l'enseigner. وَلِهَذَا سَمَّ سُبْحَانَهُ كِتَابَهُ مُبَارَكًا. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné et a donné comme caractéristique son livre, donc le Coran, de béni. Il l'a considéré comme béni. كَمَا قَالَ تَعَالَى وَهَذَا ذِكْرُ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ. Sourate Al-Anbiya, verset 50. C'est un rappel béni que nous avons descendu. وقال كتابٌ أنزلناه إليك مباركٌ. Un livre que nous avons descendu sur toi, béni. Sad, verset 29. ووصف رسوله بأنه مبارك كما في قوله المسيح وجعلني مباركا أينما كنت. Il a aussi donc caractérisé et donné comme qualité à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi il est donc béni comme pour sa parole avec Isa, et il a fait de moi donc quelqu'un de béni là où je suis. Surat Maryam, verset 31. Fa barakatu kitabihi wa rasulihi hiya sababu ma yahsulu bihima min al-ilm wal huda wad da'wati ila Allah. Et la baraka de son livre et de son envoyé est la cause de ce que la personne acquiert à travers cela, donc à travers le livre donc c'est-à-dire l'envoyer par la science, par la guider et par la dawa à Allah Azza wa Jal. Donc à partir de cela, donc il y a justement, donc il y a ici la science, la guider et la dawa à Allah subhanahu wa ta'ala. El wajhu el sadis wal ishrun ba'd al mi'a el ilmu mawruth al ajr mawruth al ajr. Le point 126 est que la science donc donne en héritage donc la récompense. وما في الصحيح يعني مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Donc dans l'authentique de Muslim, Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: lorsque le fils d'Adam meurt, son acte donc est coupé, c'est-à-dire s'arrête, sauf pour trois choses: une aumône continuelle, une science dont les gens profitent, et un enfant pieux qui invoque pour lui. Wa hada min a'dami al-adilla 'ala sharaf al-'ilmi wa fadlihi wa 'idami thamaratihi. Et cela est parmi les preuves les plus grandes pour montrer donc la noblesse de la science et ses bienfaits, et aussi donc l'énormité de ses fruits. Fa inna thawabahu yasilu ila rajuli ba'da mawtihi ma dama yantafi'u bih. Et la récompense arrive à cet homme, donc à celui qui est mort, après sa mort, tant que les gens profitent de cette science. Fa ka'annahu hayy lam yanqati 'amaluhu ma ma lahu min hayati dhikr wa thana. C'est comme s'il était vivant tant que son acte est donc continue et que les gens rappellent ce qui donc cette science là et les gens louent cette science là. Ça peut être n'importe quel livre donc qui a été écrit par les salafs par exemple et dont les gens profitent jusqu'à maintenant. Donc ils vont dire shir un tel a dit. Voilà pour ça on dit dhikr wa thana. فجريان أجره عليه إذا انقطع عن الناس ثواب أعمالهم حياة ثانية. Donc sa récompense qui continue hein, pour lui donc alors que lui il n'est plus avec les gens, donc il s'est séparé des gens, mais sa récompense vit toujours, c'est une deuxième vie. C'est-à-dire les hasanats, c'est comme si elles avaient ici donc une deuxième vie. وخص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء ثلاثة بأصول الثواب منها إلى الميت لأنه سبب لحصولها. Donc le Nabi صلى الله عليه وسلم donc ici a spécifié ces trois points en disant que la récompense donc lui arrive alors qu'il est mort, car il a montré ici donc le sabab de la façon de recevoir, la cause de la façon de recevoir donc cette récompense. والعبد إذا باشر السبب الذي يتعلق به الأمر والنهي يترتب عليه يعني مسببه وإن كان خارجا عن سعيه وكسبه. Donc il montre qu'il y a un sabab ici, donc c'est plus des règles ici hein. Donc disons que ici lorsque la personne donc est en contact on va dire avec la cause qui a à voir avec ce qui est hors, ce qui est donc dans le domaine de l'ordre ou dans le domaine de l'interdiction, donc il va recevoir ici donc ce qu'on appelle Moussabib, donc la cause, c'est-à-dire ce qui va, ou plutôt ce qui va être la cause de la cause hein, alors que malgré ça il est en dehors de cela. C'est le fait qu'en vérité qu'il est mort et qu'il reçoit. Donc si en vérité le mot il est en traduction il sera compliqué, mais c'est en vérité le fait que la personne est morte et le fait qu'elle est morte et elle a laissé quelque chose, et cette chose là c'est le sabab de la récompense. Donc c'est des règles, donc on va passer justement à cette règle parce que ça continue. وقد ذكر تعالى هذين الأصلين في كتابه في سورة البراءة يعني الآية 120. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ces règles là dans son livre البراءة, donc le Coran يعني dans سورة البراءة verset donc 120. قال ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون مطئا يعني يغض الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. Donc en vérité, donc ici, on retrouve donc les deux causes ici, les deux asles pour avoir la récompense. Donc la yusibuhum dhamma wa la nasab. Donc ils n'ont ni soif et ni fatigue, wa la mahmasa. Mahmasa, si on en français. Romain en français, mahmasa c'est quoi? Donc ceux qui peuvent vérifier donc dans le surat le verset Bara'a. Verset 120 dans la sourate. Donc fisabilillah, dans la voie d'Allah. Car ils n'éprouvent ni soif, ni fatigue, ni la colère des infidèles, et n'obtiendront aucun avantage sur un ennemi, sans qu'il ne soit écrit pour cela une bonne action. En vérité, Allah ne laisse pas perdre donc la récompense du bienfaisant. Donc ils ont laissé ici, donc comme vous voyez, donc ils ont laissé ici, donc le fait qu'ils ont laissé en vérité ici une bonne action, ils ont laissé quelque chose pour ceux en vérité qui vont venir. Donc ils ont laissé une faïda par rapport à ouvrir, et puis le fait qu'ils ont été sabab afin d'ouvrir les pays que je rentre dans l'islam, ils reçoivent en vérité la hasad que les gens, le fait qu'ils ont propagé aussi l'islam, que les gens viennent après et profitent en vérité de ça. Parce qu'ils débarquent pas avec l'épée, mais ils débarquent en vérité avec l'ilm, al-nafi'. Fahadi al-umur kulluha mutawalladat an afa'alihim. Ghayru maqdura lahum wa innama al-maqdur lahum min asbabuha allati basharuha. Donc ces choses-là découlent de ces choses-là, donc ces choses-là en vérité, elles découlent de leurs actes. Leurs actes, ils ont été anciens, mais pourtant ils sont morts, ils profitent toujours de cela. Et ils ne savent pas, c'est pas eux qu'ils ont. Donc ils ont fait ça, mais ils n'ont pas vécu ces choses-là. C'est-à-dire ce qui va venir après, ce que les gens en font, ils ne le vivent pas. Mais El Makdour, donc ça veut dire en vérité, ils vont recevoir bien sûr par rapport au Sebeb. Donc ils ont laissé une cause, c'est quand en vérité ils ont versé pays, ils ont fait une dawa. Et les gens vont être en profit. Donc la cause de le fait qu'ils ont fait profiter, ils ont laissé quelque chose, et les gens qui viennent après en vérité donc profitent de cela. Donc il continue ici, il y a des règles. Inch'Allah on va les passer parce que des fois c'est des règles quand même qui sont donc compliquées. C'est obligé des fois en arabe justement d'utiliser les règles, car beaucoup de gens attaquent l'islam par rapport aux mots. Il n'y aurait pas eu tous ces gens qui ont voulu rentrer tous ces mots, c'est-à-dire le fait de rentrer dans le kelam, il n'y aurait pas eu autant de règles pour pouvoir expliquer des fois les choses. Parce que des fois, il faut savoir répondre aux gens par rapport donc, à utiliser les armes que utiliser justement pour pouvoir en vérité donc, barrer la route à ce qu'ils veulent. Al-wajhu as-sabi'u wal-ishrun ba'd al-mi'a. Le point 127. Al-ilmu sabilul al-afwi. Donc le 127e point. La science est la voie au pardon. Ma zakarahu ibn Abdelbar, an Abdullah ibn Daoud, قال إذا كان يوم القيامة عزل الله تبارك وتعالى العلماء عن الحساب فيقول ادخلوا الجنة على ما كان فيكم إني لم أجعل يعني علمي فيكم إلا لخير أردته بكم. Donc Abdullah, ici donc ibn Abdelbar. Et on retrouve cette parole dans Jami' Bayan al-Ilm. Donc Abdallah ibn Daoud. Ici donc c'est min thiqat Ubad al-Muslimin. Donc c'est Al-Khuraini, Abdallah ibn Daoud Al-Khuraini. Donc Ibn Abdel Bar rahimullah dit de Abdallah ibn Daoud, il dit lorsque le jour du jugement viendra, Allah donc écartera et mettra de côté donc tabaraka wa ta'ala les savants, azad, qui seront donc séparés des autres. Il leur dira, entrez au paradis, disons selon en vérité ce que vous avez fait, de ce que vous avez. Car je ne vous ai pas donné ma science, je n'ai pas placé ma science en vous que pour un bien que j'ai voulu pour vous. Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il veut le bien de quelqu'un, il lui fait connaître la religion. Et vous connaissez le hadith. Fa in qila fa qawad'u shar' yani taqtadi anna yusamah al-jahil bima la yusamah bihi al-alim wa annahu يغفر له ما لا يغفر للعالم فإن حجة الله عليه أقوم منها على الجاهل وعلمه يعني بقبح المعصية وبغض الله لها وعقوبته عليها أعظم من علم الجاهل ونعمة الله عليه بما أودعه من العلم يعني أعظم من نعمته على الجاهل. Les gens ils se posent des questions par rapport aux règles de la charia, c'est qu'elle ramène que Allah Azzawajal donc va pardonner pourtant plus facilement l'ignorant que le savant vis-à-vis des péchés, donc vis-à-vis de celui qui a de la science et qui commet le péché, donc son péché est aux yeux d'Allah donc plus énorme que l'ignorant lorsqu'il commet le même péché. Donc il va pardonner à l'ignorant ce qu'il ne va pas pardonner donc au savant, et que la preuve qu'Allah envers ce savant est plus forte que la preuve qu'Allah envers ce serviteur, dans le sens où le savant n'a pas d'excuse par rapport à la hujja. Et même chose, donc c'est plus qabih, c'est plus donc honteux, ou c'est plus en vérité donc sale, c'est-à-dire ce péché en vérité est plus énorme ou ignoble par rapport à cela. Et le rakouba, donc aussi le châtiment, sera différent. Mais il y a aussi le contraire qui sera pareil. C'est le même principe. La ni'ma, la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il a donné donc cette science à ce savant, donc est une grâce qui est plus énorme que la grâce qu'il a donnée à la personne qui est plus ignorante. Wa qad dallat ash-shari'a wa hukmu Allah ala anna man hubbiya bil in'am wa khussa bil fadli wal ikram thumma asama nafsahu ma maylin shahawat فارتعاها في مراتع يعني الهلكات وتجرأ على انتهاك المحرمات واستخفى يعني استخفى السيئات وأنه يقابل من الانتقام والعتب بما لا يقابل به من ليس يعني في مرتبته. Car la charia a prouvé que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala est fait que pour celui qui reçoit donc des grâces. Donc ici on parle en l'occurrence la science, et celui qui a été choisi par des bienfaits et des grâces d'Allah Azza wa Jal, donc il a été comblé par les générosités d'Allah Azza wa Jal, alors que lui il sombre dans les péchés, dans les désirs, les plaisirs, et il se sombre, donc il coule dans tout ce qui est donc péril, et qu'il continue, il se permet de foncer donc dans les péchés, qu'il se moque, donc parce qu'en réalité il a amoindri ses péchés ne sont rien pour lui, alors que Allah Azza wa Jalla lui a donné énormément de bienfaits, tout en sachant que donc en réalité ça lui bien sûr il va recevoir en récompense de ces péchés là donc un intiqam, donc Allah Azza wa Jalla va se venger de lui et il va bien sûr le réprimander donc de façon plus importante que celui qui n'a pas reçu autant de grâce. Et si on parle de la science, mais bien sûr, on peut en vérité considérer tous les bienfaits. Allah, il te donne la santé, il te donne l'intelligence, il te donne les bienfaits, il te donne les enfants. Et toi, tu ne dépenses rien de cela dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Tout le khair que tu as, tu ne les dépenses pas donc dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Donc automatiquement, le châtiment d'Allah Azza wa Jal donc sera plus grand. Plus tu auras de grâce et plus tu seras loin d'Allah, donc plus le châtiment sera plus grand. على هذا جاء قوله تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. Ô femmes de l'envoyé du prophète, celui ou celle d'entre vous qui vient faire donc une turpitude claire, donc Allah lui multiplie le châtiment, donc il multiplie le châtiment par deux, et cela est facile pour Allah. Il a dit ça aux femmes du prophète, alors qu'il n'a pas dit ça aux autres femmes. Car elles sont dans la maison de Nubuwa. Il y a la science, il y a la ni'ama, il y a la khiri, toute la ni'ama. Donc il n'y a pas plus grande ni'ama pour une femme que d'être la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc si elle commettait donc un péché, vous voyez ce que Allah Azzawajal aurait fait de elle. Donc il aurait rajouté, donc il aurait multiplié par deux le péché. Donc voilà un verset qui est clair par rapport à cela. Donc surat al-Ahzab, verset 30. ولهذا كان حد الحر يفي حد العبد في الزنا والكسب وشرب الخمر لكمال النعمة على الحر. C'est pour cela que donc ça serait على العبد لكمال النعمة على الحر. Non, c'est bon. Ici, c'est pour cela que le châtiment de celui qui est libre est le double. La sentence de celui qui est libre est le double de la sentence de celui qui est serviteur, esclave, par rapport à Zina, par rapport à le fait de mentir sur quelqu'un, de dire par exemple une telle femme aurait fait Zina par exemple, ou le fait de boire de l'alcool. Pourquoi? Parce que lui là, il a une ni'ma complète. Parce que l'abd, il a un serviteur, il appartient à quelqu'un. Mais lui il n'appartient, c'est-à-dire à personne parmi les humains. Wa qala ba'du salaf yughfalu lil jahili 70 dhanban. Et certains salafs ont dit, on pardonne à l'ignorant 70 péchés avant de pardonner au savant un seul péché. Même si c'est pas des chiffres, même si c'est des paroles comme ça, sans délil, c'est des kinayas. Ce sont des exemples, c'est pour qu'on s'imagine la chose. Donc certains ont dit, certes Allah donc pardonne à Kul Hel, hein, l'ignorant, comme il ne pardonne pas aux savants. Comme il ne pardonne pas aux savants. Donc ça c'est, on retrouve ça dans Ibn Asakir, yani, avec Zem men la ya'mal bi'ilmihi. Donc dans un chapitre, donc, ou dans un livre qui s'intitule donc la réprimande de celui qui ne met pas en pratique ce qu'il connaît, sa science. Donc c'est al-jawab de cela. Donc par rapport à cela, la réponse est inna hadha alladhi dhakartumuhu haqqun la rayba fihi. Walakin min qawa'id ash-shar' wal-hikma aidan anna man kathurat hasanatuhu wa 'azumat wa kana lahu fil-islam ta'thirun dhahirun fa innahu yuhtamalu lahu ma la yuhtamalu li ghayrihi wa yu'fa 'anhu ma la yu'fa 'an ghayrihi. C'est clair que voilà ce que le savant, donc ce qu'il mérite. Mais il faut savoir, donc ici, donc cela est clair et réel, mais il faut savoir que parmi les règles de la sharia, hein, et de la hikmah, de la sagesse, c'est que celui qui a énormément de péchés, de bonnes actions plutôt, donc celui qui a beaucoup de bonnes actions, comme le savant, il fait donc par rapport à ses œuvres, par rapport à tout le khel qu'il fait, même s'il aurait donc certains péchés, et qu'il a, lui, un impact sur les autres dans l'islam, donc il va bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui sont pardonnées plus facilement que les autres parce qu'il fait beaucoup de khair. C'est-à-dire qu'en vérité, ces hasanat sont bien au-dessus de ces sayyats. Elles vont recouvrir ces sayyats. Et Cheikh Ibn Taymiyyah, il raconte cela par rapport aux compagnons. Il dit même ceux qui auraient, auraient commis du péché, mais le fait qu'ils soient compagnons, qu'ils ont fait, cela va recouvrir en vérité. Donc, faire disparaître ce qu'ils ont fait comme mal, même si c'est moindre. Donc, il sera pardonné. Donc, encore plus que les autres, ils seront en vérité pardonnés, encore plus que ceux qui n'ont pas cet impact, c'est-à-dire dans l'islam, c'est-à-dire vis-à-vis des autres. Ils n'ont pas d'œuvre, ils n'ont pas de grandes actions comme cela. فَإِنَّ الْمَعْصِيَةَ خَبْثٌ أَوْ خَبَثٌ. Car, donc le marsia, le péché, en vérité, c'est un khabath. C'est en vérité donc quelque chose qui est impur, donc plutôt donc ignoble. وَالْمَا إِذَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمَلَ الْخَبَثُ. Et aussi c'est une kinaya, car il dit l'eau, lorsqu'arrive à Kullatayn, donc c'est une unité de mesure, entre 200 et quelques et 300 et quelques kilos d'eau, elle ne peut pas donc devenir impure. Elle ne va pas en vérité supporter, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas impure. Même si tu jettes l'impureté, l'eau reste impure à partir de cette unité de mesure. C'est une kinaya, comme quoi quelque chose de pur, c'est pas quelque chose, c'est pas une moindre impureté qui va venir le rendre impur. Il reste comme ça. Donc on ne fait pas, comme certains des élèves disaient parmi les élèves, qu'ils fermaient l'œil sur les défauts de leur chir, et donc ils fermaient un œil, ils gardaient l'œil ouvert sur tout ce qu'ils avaient de bon à prendre sur lui, par rapport à son comportement, par exemple, ou à sa personnalité. Donc, bi khilaf ici, donc par rapport au hadith, non, bi khilaf al-ma al-qalil, فإنه يحمل أدنى خبث يقع فيه. Contrairement à peu d'eau, imaginez-vous un verre d'eau, l'équivalent d'un verre d'eau, ou un litre, c'est que pas beaucoup d'impuretés suffit pour rendre impur directement donc cette petite quantité d'eau. ومن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وما يدريك لعل الله أطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. Et aussi donc voici donc aussi une preuve la parole du prophète صلى الله عليه وسلم à Omar. Tu ne sais pas, wama yudrik, qu'est-ce qui te dit, hein, la différence entre wama adraka et wama yudrika dans le fil l'aura, fil le Coran. Donc le faïda par rapport à cela, c'est que wama adraka, Allah il donne après la réponse. Wama adraka ma laylatul qadr. On a juste après quoi? La réponse elle est laylatul qadr, khayrun min alf shahr. Mais lorsque vous voyez dans le Coran wama yudrika, il n'y a pas de réponse. Ça y est, ça sera. C'est min umul ghaib. C'est laylatul qadr. Donc Yom al-Qiyamah plutôt. Ça sera Yom al-Qiyamah. On ne sait pas. C'est ça la différence entre les deux. Lorsque vous voyez Wama Adaraka, Wama Yudrik. C'est Wama Adaraka, on a la réponse dans le Coran. Wama Yudrik, on n'a pas donc la réponse. Donc ici, on n'a pas la réponse. Wama Yudrik, qu'est-ce qui te dit que, n'est-ce pas, que sûrement Allah Azzawajal donc va à quoi? Atla'a ala ahl badri. Faqalini i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Il veut dire à quoi, Omar, tu ne peux pas savoir. Si tu ne sais pas. Mais après, le prophète, ça va s'aimer ici, il manque à Omar. Il montre à Omar que Allah Azzel a donc Atla, il a bien vu ce que les gens de Badr, vous connaissez Razat al-Badr, hein, parce que pour se battre, pourquoi celle-là est importante? C'est la première bataille. Il faut du courage pour être la première. C'est plus facile de faire la deuxième, la troisième, la quatrième. C'est toujours la première qui est donc qui va être la plus difficile à faire pour tout le monde. Premier pas, c'est pas comme le cinquième ou le sixième. Celui qui part en guerre une sixième fois, c'est pas comme celui qui part en guerre la première fois. Faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Faites ce que vous voulez, donc je vous ai pardonné. Donc, ils vont commettre des péchés. Mais s'ils venaient à commettre des péchés, Allah leur a donc pardonné ces péchés. Pourquoi? Tellement les hasanat d'eux, là, elles vont venir couvrir en vérité les péchés qu'ils ont commis. وَهَذَا هُوَ الْمَانِعُ لَهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ قَتَلَ مَنْ يَنِي جَسَّ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ وارتكب مثل ذلك الذنب العظيم فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه شاهد بدرا فدل على أن مقتضى عقوبته قائم لكن منع من ترتب أثره عليه ما له من المشهد العظيم فوقعت تلك السقطة العظيمة مغتفرة في جنب ما له من الحسنات. Donc vous connaissez aussi qu'il y a eu une personne, un compagnon parmi les compagnons qui a été donc témoin à Badr, qui a été donc présent à Badr, et qui a prévenu pour ses biens. Il a prévenu, vous connaissez sûrement la Qissa, qui a prévenu donc qui? Les gens de Quraysh, comme quoi les musulmans vont venir à Mecca. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas ça, les gens auraient profité parce que lui, il fait partie des tribus, donc des petites tribus, qui ne sont pas importantes. N'est pas important, c'est pas une tribu qui va se protéger. Il n'y a personne pour à Mecca qui est là pour protéger ses biens. Donc il avait peur pas que les musulmans tuent les gens ou sa famille, c'est pas ça. C'est pour protéger ses biens, sa famille. Mais pas contre les musulmans, mais contre le mal des mouchriquines. Parce que quand il y a un harb, qu'est-ce qui se passe quand il y a une guerre? Qu'est-ce qui se passe quand il y a une guerre? Même dans ton quartier, les gens de ton quartier ils vont venir te voler. Ça là là, n'est-ce pas? N'est-ce pas que les fitaines qui sont en Égypte et compagnie, les gens ils se volent maintenant entre eux? Ils ont jeté le hakim, d'accord, et après? N'est-ce pas qu'ils sont encore pires que le hakim? Est-ce que le hakim venait violer? Est-ce que le hakim venait voler dans les maisons? Le shab il est pire que le hakim. Ça là là. Il a été à l'image, mais lui, quand il veut devenir hakim, c'est un sauvage. N'est-ce pas que toutes les communautés francophones qui étaient en Égypte se sont mis par dizaines, hein, bâtons, battes de baseball et tout pour surveiller leurs épouses et leurs biens, pendant qu'ils ont jeté le gouverneur? Mais pendant qu'il y avait le gouverneur, il n'y avait pas ces problèmes. Et la même chose en Tunisie et ailleurs. Parce qu'on est des Hamash, on est des sauvages d'origine, on est des ignorants et des djouhel. Ça, c'est la condition de l'homme. Et les gens sont arrivés à ça. Vous voyez, c'est pour ça qu'il a voulu protéger, parce qu'il sait que les gens, ils vont, c'est le moment de fitna, il va avoir le harb, plein de gens, ils vont penser à s'enrichir. Ils vont laisser des gens, il y en a qui vont partir se battre, mais il y en a qui vont rester pour piller les autres. Des gens de la ville même. Et lui, comme il fait partie des tribus faibles, et des faibles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voler. Ils vont le voler, lui. Vous avez compris? C'était pour ça. C'était pas en vérité pour prévenir contre les musulmans. C'était un péché, certes, Mais comme il fait partie des gens de Badr, qu'est-ce qu'il a eu? Donc, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pu faire. Regardez comment ceux qui descendent du Wahi, ils passent avant tout. Ça serait nous, qu'est-ce qu'on aurait fait? Sans pitié. Même s'il y avait 1000 dalils pour le défendre. Ils font passer le dalil avant toute passion et tout waqa. Pourtant là, c'est le waqa. C'est bien. Il y a bien prévenu. Donc il y a un mal. Et pourtant, regardez ce qui s'est passé. Ils ne l'ont rien fait. Et un hadith fait que tout le monde se calme. Un seul hadith fait que les gens ne parlent plus. Ils se calment parce qu'ils font passer le texte avant quoi que ce soit. C'est le texte qui les régit. Ce n'est pas eux qui vont régir le texte. C'est le texte qui va en vérité donc les régir. Et ça, c'est important pour comprendre en vérité l'importance du dalil face à la situation de l'homme, face à la situation de la personne. Donc il y a eu un mani, il y a quelque chose qui leur a interdit ça. Ils ont une interdiction, donc c'est samirna wa ata'na. Donc il a été pardonné donc par rapport à cela. Voilà ma khasa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala sadaqati fa akhraja Uthman radiyallahu anhu tilka sadaqa al-'azima fa qala ma darra Uthman ma 'amila ba'daha. Donc la sadaqa, Uthman il a donc donné beaucoup de son argent lorsque il a donc donné beaucoup de biens pour la jihad. Il a aussi donc donné aussi donc il a aussi acheté le puits le bir mu'na. C'est bien le Mouna, à Médine. Alors que les gens avaient besoin d'eau. Les musulmans avaient besoin de cette eau-là, il l'a acheté. Donc toutes ces sadakats-là font que Roman ne peut faire rien. Après ce qu'il a fait, donc rien en vérité ne va nuire à Othman. Rien ne va nuire. Ses péchés ne vont pas nuire. Parce que là, ça a été pardonné. On a des fois d'autres délits encore. Oui, mais il y a encore d'autres textes par rapport à cela. Wa qala Talha lamma. تططى النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد على ظهره إلى الصخرة أوجب طلحة أوجب طلحة أوجب ما إيش الجنة أوجب ici الجنة. Le fait que طلحة donc a porté le prophète صلى الله عليه وسلم, donc il s'est rabaissé pour que le prophète صلى الله عليه وسلم monte sur son dos pour monter donc sur la صخرة, sur le rocher, et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit أوجب. Donc il est obligatoire pour Talha, quoi. Il est obligatoire pour Talha de quoi? De rentrer donc au paradis, à Ujaba. وهذا موسى كلمة الرحمن عز وجل ألقى الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه له. Moussa, il a bien jeté les tables, hein, sacrées, donc les tables qui étaient écrites. Et c'est quoi sur cette table? La parole d'Allah. C'est comme si quelqu'un, imaginez-vous à cette époque, je viens de rejeter par le Coran. La parole d'Allah, hein, il a jeté ça. Alqaha ala al-ardi hatta takassarat. Jusqu'à ce qu'elles soient cassées. Elles se sont cassées donc ces tables, ces tablettes. Wa ratama ayn al-malik al-maut, hein. Fa qafa'aha, comme l'a dit donc ici dans l'imam al-Bukhari. Wa ataba rabbahu laylat al-usra isra fi an-nabi wa qala shabun bu'itha ba'di يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي وأخذ يعني بلحية هارون وجره عليه وهو نبي الله وكل هذا لم ينقص من قدره شيئا عند ربه وربه تبارك وتعالى يكرمه ويحبه فإن الأمر الذي قام به موسى والعدو الذي برز له والصبر الذي يعني صبره والأذى الذي أوذيه في الله أمر لا تؤثر فيه أمثال هذه الأمور ولا تغير في وجهه ولا تخفض يعني منزلته. C'est-à-dire qu'ici, donc ce qui lui est arrivé au point où Malik al-Maut a fermé les yeux donc de ce qu'il a vu, tout en sachant que l'ange fait tout ce que Allah lui ordonne dans les ordres, mais l'ange réfléchit, il aime ou il aime pas, c'est du même, c'est pas un robot qui ne fait que ce qu'Allah lui décide. Il réfléchit, mais il obéit tout simplement, il obéit toujours, il ne désobéit jamais. Sinon il aime ou il n'aime pas de lui-même. Là il a détesté cette chose là parce qu'il sait que c'est une chose détestable, donc il déteste. Et pourtant on voit bien que dans sa communauté beaucoup de gens vont entrer dans l'islam, et c'est le Moussa, c'est le meilleur envoyé de Ben Israël, parce que c'est la Torah, elle est descendue sur lui, pas sur les autres envoyés de Ben Israël. Elle est descendue sur lui. Et on sait que malgré tout cela, Allah Azza wa Jalla donc C'est-à-dire tout ce qu'il a fait, cela ne va pas diminuer en quoi que ce soit de sa noble place. Sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré et il l'aime. Car ce que Moussa a fait, et sans compter ce que les ennemis lui ont fait, et la patience qu'il a eue, comment il a patienté sur cela, tout cela vont prévaloir. Sur quoi ? Sur tout ce qu'il a fait, sur le mal qu'il aurait pu faire. Le fait de jeter la table, même si cet acte à l'origine n'est pas un acte noble, mais ce péché-là est effacé par rapport à l'énormité des hasanettes qu'il a, par rapport au bien qu'il a fait. Hein ? Et cela ne va rien changer pour lui. Et ça n'enlève quoi que ce soit, on ne peut pas diminuer de la place de Moussa par rapport à ce genre d'acte. وهذا أمر معلوم عند الناس مستقر يعني في فطرهم أن من له ألوف من الحسنات فإنه يسامح بسيئة وسيئتان ونحوها. Et cela est connu chez les gens de façon générale, et la nature des gens est comme ça, que si quelqu'un faisait du bien, le jour où on va faire du mal, on va pas, à part l'esprit qui serait malfaisant, on va pas ressortir ce mal comme si c'était ce mal son origine. On va penser au bien qu'il a fait, on va prévaloir le bien sur le mal qu'il vient de faire. On va dire c'est pas, on va penser, même si on aurait des pensées, on va au moins minimum, ça serait du style, c'est pas dans ses habitudes, on aurait ce genre de choses là, ça serait normal, parce qu'on l'a mis, pourquoi on l'a dit, ce n'est pas dans ses habitudes, parce qu'on a fait prévaloir en vérité les bonnes actions que la personne fait, les bonnes actions qu'il fait, parce qu'on le connaît pas comme ça. Donc on va lui donner des excuses, on va dire. Donc le fait qu'il va être pardonné par rapport à quelques péchés qu'il ferait. Hatta annahu yartaliju yani da'i 'uqubatihi 'ala isa'atihi wa da'i shukrihi 'ala ihsanihi fayaghlubu da'i shukri da'i al-'uquba kama qil. Donc après il y a une poésie par rapport à cela. Donc on fait passer en vérité donc c'est-à-dire le bien sur le mal. En gros c'est ça. الوجه الثامن والعشرون بعد المئة. Donc le point 128. Le point 128. الاشتغال بالعلم عبادة. Donc s'occuper par la science, passer ses occupations à apprendre la science est une adoration. أن العالم المشتغل بالعلم والتعليم لا يزال في العبادة أو في عبادة. فنفس يعني فنفس تعلمه أو نفس تعلمه وتعليمه عبادة. قال ابن مسعود لا يزال الفقيه يصلي. قالوا وكيف يصلي؟ قال ذكر الله على قلبه ولسانه. Donc la personne est tout le temps en adoration tant qu'elle est en train d'apprendre. Et celui qui enseigne et qui apprend, donc un nefs qui enseigne et qui apprend, qui est en adoration. Et Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu dit, El faqih, donc celui qui enseigne, donc la personne de science, est tout le temps en prière. Et ils ont dit, et comment il prie? Il dit, par le rappel d'Allah, donc sur sa langue et sur son cœur. Le fait qu'il enseigne aux gens, le halal, le haram, les versets, les hadiths et l'akhiri. Wa zakarahu, yani zakarahu ibn Abdelbar. Donc cette parole est retrouvée donc dans Ibn Abdelbar, même s'il n'y a pas d'isnad directement. Il n'y a pas d'isnad, mais cette parole-là est retrouvée chez Ibn Abdelbar qui le dit. Wa fi hadith Mu'ad marfou'an wa maqoufa ta'allamu l'ilma fa'inna ta'allumahu lillahi khashya wa talabahu ibada wa muzakaratahu tasbih wa sawab annahu mawquf. Donc il est mawquf, il n'est pas marfou'an au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est une parole de Mu'ad. Et comme on a dit auparavant, Mu'ad c'est le plus savant de tous les savants, et il va être ressuscité yom al-qiyamah, donc devant les savants d'un pas, et dans une version d'un lancer de ou d'un jet de pierre. Apprenez la science, car son apprentissage pour Allah est une crainte, et sa recherche est une adoration, et son enseignement, muzakaratahu, le fait de le propager aux gens, c'est du tesbih, c'est de la glorification. Donc c'est une parole de Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu. Wa qala ibn Wahb kuntu 'inda Malik ibn Anas فحانت صلاة الظهر أو العصر وأنا أقرأ عليه وأنظر في العلم بين يديه فجمعت كتبي وقمت الأرقع قال لي مالك ما هذا قلت أقوم إلى الصلاة فقال إن هذا العجب وما الذي قمت إليه أفضل من الذي كنت فيه إذا صحت فيه النية. Donc ça a été rapporté par Ibn Abd al-Barr toujours. Ibn Wahb dit, donc j'étais chez Malik ibn Anas, Ibn Malik rahmallah. Le moment du dhuhr ou le moment du salat de la prière du Asr est venu. Et moi je lisais sur lui, donc chez lui, et je regardais la science, donc j'écoutais en vérité, je prenais la science en vérité d'entre ses mains. Et j'ai donc rassemblé mes livres. Wakumtu. Et je me suis levé pour prier. Wakumtu li arka. C'est-à-dire je me suis levé pour saler. Et l'imam Malik m'a dit, que fais-tu? Qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, je me lève pour la prière. C'est l'heure. L'heure du Asr est venue. Il dit, cela est étonnant. Ce que je fais là est meilleur que ce que tu vas faire. Ce que tu. Donc ce pour toi. Pour, hein, c'est-à-dire ce pour lequel tu t'es levé. Si bien sûr la niya, donc l'intention est véridique. Si l'intention est véridique. Vous voyez que il aurait terminé. Il aurait pris la Asr s'éclaire à l'heure. Mais pas spécialement automatiquement au début de son heure. On peut, donc par rapport à cela, à retarder. Histoire de terminer ce qu'on doit faire par rapport à la science. وقال الربيع سمعت الشافعي يقول طلب العلم لي أفضل من الصلاة طلب العلم ici c'est écrit العمل en vérité c'est العلم donc طلب العلم parce que ici c'est écrit العمل donc طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة l'imam الشافعي a dit رحمه الله et ça a été rapporté par Abu Nu'aym في الحلية il dit Rabbi, il dit, j'ai entendu l'imam Shafi'i dire, la recherche de la science, la pratique de la science, est meilleure que la prière surérogatoire. Wa qala Sufyan al-Thawri, ma min amalin afdalu min talab al-ilm ida sahal fihi an-niyya. Sufyan al-Thawri donc dit, et c'est toujours l'imam Ibn Abd al-Barr qui rapporte, qu'il n'y a pas d'acte meilleur que la recherche de la science si la niya, l'attention et véridique. وقال رجل للمعافي ابن عمران أيما أحب إليك أقوم أصلي الليلة كله أو أكتب الحديث فقال حديث تكتبه أحب إلي من قيامك من أول الليل إلى آخره. Il s'est rapporté par le khatib, donc sharaf ashab al hadith. Dans Sharaf Ashab al-Hadith. Donc, un homme demande à Al-Mu'afi ibn Imran, qu'est-ce qui est préféré auprès de toi, plus aimé auprès de toi, que je me lève la nuit et que je la prie tout entière, imaginez-vous, il va prier toute la nuit, Qiyam al-Layl, ou que j'écrive le Hadith. Il dit, le Hadith que tu écris est plus aimé auprès de moi que le fait de te lever du début jusqu'à la fin de la nuit. وقال أيضا كتابه أو نعم كتابة حياة حديث واحد أحب إلي من قيام الليلة. Donc c'est toujours dans le même livre. Il dit aussi donc écrire un seul hadith est plus aimé auprès de moi que قيام الليل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما تذاكر العلم بعد الليلة أحب إلي من إحيائها. Donc, en vérité, apprendre la science, c'est-à-dire le fait de mentionner la science, une partie de la nuit, ou le fait de réviser, le fait de lire, une partie de la nuit est meilleure pour moi que le fait de la faire revivre par le Qiyam al-Layl ou bien les Dua, donc par la salat, la Dua. وفي مسائل إسحاق ابن منصور قلت لي أحمد ابن حنبل قاله تذاكر العلم بعد الليلة أحب إلي من إحيائها أي علم أراد قال هو علم الذي ينتفع به الناس من أمر دينهم قلت في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو هذا قال نعم. Donc il a posé la question à l'imam Ahmed ici dans Ishaq ibn Mansour, dans il dit les messels Ishaq ibn Mansour, des fois on voit des fois comme ça les messels d'un tel, c'est que c'est lui qui a posé des questions au Shir, donc après c'est pour ça qu'on retrouve le nom d'élève par rapport aux messels, les sujets quoi. des sujets bien précis où il pose des questions et le cheikh répond. Donc ça fait une mas'ala. Donc elle dit, qu'est-ce qui est mieux, le fait de apprendre la science une partie de la nuit? Il a voulu savoir en vérité la parole d'Ibn Abbas, il veut dire quoi par là, qu'a voulu-t-il dire? Donc il a dit la science dont les gens vont profiter pour les choses de la religion, comme donc pour la purification, apprendre aux gens comment on s'ablutionne, ce qui est permis, donc les types d'eau, les types de récipients, comment on fait le dos, s'il fait chaud, s'il fait froid, quand est-ce qu'on peut utiliser le tayammum, quand est-ce qu'on peut faire mas'al al-khufayn, le nombre de temps, toutes ces choses-là. L'eau, quand est-ce qu'elle devient pure, quand est-ce qu'elle devient impure, c'est tout, un petit ces points-là, c'est ça le dos, de façon générale. Salat, donc vous imaginez donc, ce qui va annuler la prière, ce qui est obligatoire dans la prière, ce qui est pilier, comment on prie, tout ça à l'entrée de l'heure, il a khéli. Le jeûne, le hajj, le divorce et autres. Et tout ce que, c'est-à-dire tout ce qu'on retrouve actuellement dans les livres de fiqh par exemple. Il a dit na'am, oui, c'est ça en vérité. L'ilm c'est quoi? C'est connaître le halal et le haram. Et le premier halal et haram à connaître, donc c'est tawhid et shirk. C'est de savoir qui on doit adorer et comment on doit l'adorer et comment, donc, et aussi comment on doit s'éloigner de toute fausse adoration et de toute fausse croyante. Donc ça rentre dans le halal et le haram aussi. قال إسحاق وقال إسحاق بن رهويه هو كما قال أحمد وقال أبو هريرة رضي الله عنه لا أن أجلس ساعة فأتفقه في ديني أحب إلي من إحياء ليلة إلى الصباح. Donc حتى أبو هريرة رضي الله عنه a dit ça, l'illustre compagnon. Donc إسحاق a dit, comme l'imam Ahmed a dit, la même parole. Et Abu Huraira a dit, le fait que je m'assieds une heure et que j'apprenne ma religion et que donc je me rende érudit donc dans la religion est meilleur et plus aimé auprès de moi que le fait de la faire vivre de la nuit jusqu'au matin, le fait de la faire nuit donc de la nuit complète. Wa qala Muhammad ibn Ali al-Baqir 'alimun yuntafa'u bi'ilmihi afdal min alf 'abid. Donc Muhammad ibn Ali al-Baqir dit un savant dont on profite de sa science est meilleur que 1000 serviteurs, mais en vérité on peut dire même des millions d'ignorants dont ils feraient profiter de ces fêtes certaines Nabi par exemple, quand écrit Shralbani par exemple, est-ce qu'ils t'ont fait profiter des millions d'ignorants, dont ils feraient profiter de comment tu vas savoir prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a fait Shralbani ou bien les autres aussi, si, pour ceux qui prendraient par exemple de Shralbani ou bien même s'ils feraient un mélange de Shralbani, de Shrinibet et des autres, ça là là, pourtant ils sont des millions, mais comme ils t'ont pas fait profiter, ça reste ça, c'est un peu comme multiplié par zéro, tu peux mettre le chiffre ce que tu veux devant, s'il reste multiplié par zéro, le chiffre il reste toujours zéro. Ça là là. Tandis que le savant il t'a fait profiter, pourtant il est seul. Il t'a fait profiter, c'est de lui que tu prends. Au contraire, c'est les millions de personnes, alhamdoulilah, qui reviennent vers ce genre de livres pour savoir comment maintenant on doit prier. Ou savoir comment on doit jeûner ou autre, selon les livres qui ont été écrits. Wa qala aida riwayatul hadith wa bathuhu fi an-nas afdalu min ibadati alf 'abid. Donc connaître la riwaya. Donc en vérité, donc ici, lorsqu'on parle de la transmission du hadith, ou bien les... Donc il veut dire, c'est le fait de mentionner en vérité le hadith, et de le propager chez les gens, est meilleur que 1000 adorateurs, que l'adoration de 1000 personnes. Parce que là c'est du ilm, là on parle directement de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Pourquoi on dit le hadith? Pourquoi on entend toujours mentionner le hadith? Parce que c'est ce que le prophète ça m'a montré et ça m'a expliqué ce qu'il y a dans le Coran. Tu peux pas te passer du hadith parce que c'est lui qui va te donner les détails des choses. Voilà ma kana talab al-ilm wa al-bahth anhu wa kitabatuhu wa taftish alayhi min 'amal al-qalbi wa al-jawarih kama kana min afdal al-a'mal wa manzilatuhu min 'amal al-jawarih yani kama manzilati a'mal al-qalbi min al-ikhlas والتوكل والمحبة والإنابة والخشية والرضا ونحوها من الأعمال الظاهرة. Donc, comme l'apprentissage de la religion et sa recherche, et le fait de l'écrire, et le fait de fouiller, taftish. Donc ici il y a aussi taftish alayhi, le fait de fouiller, de rechercher, faire des recherches, fait partie des actes du cœur et des actes aussi qui sont donc par les membres. C'est pour ça que ça fait partie des meilleurs actes, parce qu'elles sont du cœur et elles sont aussi des membres. Donc, parce que tu vas utiliser Ici donc, وَمَنْزِلَتُهُ, son niveau, c'est-à-dire la place de l'apprentissage de la religion, est comme, donc en vérité, fait partie des actes voyants, de la même façon qu'il faut partie des actes du cœur. Donc on a besoin ici de sincérité, on a besoin de placer sa confiance en Allah, on a besoin d'aimer, donc ça te fait revenir vers Allah Azza wa Jal, ça te fait craindre Allah Azza wa Jal, ça te fait accepter, tu entres dans l'agrément d'Allah Azza wa Jal, et autres parmi les actes, donc, et autres parmi les actes qui seraient aussi des mêmes voyants. Donc pour montrer en vérité que ce que l'ilm va englober en vérité énormément de caractéristiques, hein, qui sont donc des hautes places, des hautes en vérité, des caractéristiques qui sont nobles. Parce que pour que une ibada, on y retrouve tabakul, on y retrouve ceci, on y retrouve... ça, la personne peut très bien travailler, rien à mon doigt, chercher après la dunya, hein, et pas faire ça, parce que tu peux très bien faire talab al-ilm, et tu sais pas, des fois, donc tu n'es pas spécialement en train de courir après le risque, parce que ton temps dans ton ilm, il va peut-être pas te permettre cela. Même si, alhamdoulilah, certains savants sont devenus riches, généralement, c'est la dunya qui va tomber sur eux. C'est pas eux qui courent après la dunya, mais c'est la dunya qui va courir après. Et c'est ce qui s'est passé pour beaucoup, même si c'est tard dans leur vie. فإن قيل فالعلم إنما هو وسيلة إلى العمل ومراد له والعمل هو الغاية ومعلوم أن الغاية أشرف من الوسيلة فكيف نفضل الوسائل على غايتها قيل كل من العلم والعمل ينقسم قسمين. Ce qu'on peut venir dire, la science, c'est un moyen pour arriver à l'acte. Et le but, c'est l'acte, c'est de mettre en pratique. Car l'acte, c'est le raya, c'est le but. Alors que c'est connu que le but est plus noble que le moyen. Arriver à un but, tu utilises un moyen halal pour arriver à un but, mais le but, c'est ça qui compte. Donc le but est plus important que le moyen. Parce que certains vont dire que l'amal est plus important que l'ilm. On va arriver à ça. Comment on peut dire que le wasila, donc le but, le moyen, est meilleur que le but? On dit donc que chaque partie parmi la science et parmi le amal est divisée en deux, donc composée de deux composantes. وَمِنْهُ مَا يَكُونُ وَسِلَى وَمِنْهُ مَا يَكُونُ رَيَى. Donc certains, on va retrouver ici des wasail, il y a des choses où la science c'est une wasila, c'est vrai, mais il y a des choses où la science c'est elle-même un raya, c'est elle-même le but. Ça dépend des moments. Donc dans la science elle-même, il y a ce qu'on dit wasila, il y a aussi le raya dans la science elle-même. فليس العلم كله وسيلة مرادة لغيرها. C'est pas toute science qui est un moyen pour arriver à un but. فإن العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الإطلاق. Car la science d'Allah et ses noms et ses attributs est la plus noble des sciences sans équivoque. على الإطلاق. Il y a aucun savant qui a dit le contraire. Pourquoi la science des noms et attributs, maintenant je pose une question, est plus importante? Pourquoi? Hein? Pourquoi? C'est quoi la réponse? Parce que c'est la connaissance d'Allah. Y a-t-il plus noble qu'Allah? Y a-t-il plus important qu'Allah? Donc automatiquement la science de connaître Allah lui-même, c'est plus important que la science de connaître l'Odo maintenant. Même si l'Odo c'est important. Vous comprenez? C'est pour ça que Allah il est meilleur que tout. Hatta que le paradis. C'est pour ça que Ziyad al paradis il est bien, mais le mieux c'est de voir Allah dans le paradis. C'est mieux que de voir tout ce que tu vois au paradis. Vous voyez pourquoi? C'est pour ça qu'on dit Al-Ladin Ahsan al-Husna wa ziyada. Et en plus, ziyada, al-Husna c'est le Jannah, wa ziyada c'est un nazar ila wajillah. Allah il est meilleur que tout. D'accord? Donc c'est pour ça. Et dans tout ce qui est hasad, tout ce qui est par la vue, par le son, partout, hein, donc par tout ce qui est en fait hawas, partout. Et ici, donc wa matloubun li nafsi muradun li dhati. On doit, donc cette science-là qui est la plus noble, elle est demandée par elle-même, elle est demandée. Wa qala ta'ala, Allah alladhi khalaqa as-sab'a samawati wa min al-ard mithlahunna yatanazalu al-amru baynahunna lit'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in 'ilma at-talaq. Faqad akhbara subhanahu annahu khalaqa as-samawati wal-arda wa nazzala al-amra baynahunna liyu'lama 'ibadahu annahu bi kulli shay'in 'alim. Ici, Allah, celui qui a créé les sept cieux et parmi les terres, donc autant de terres, il a descendu donc l'ordre, l'âme, donc le décret, hein, entre ces cieux-là, afin que vous sachiez qu'Allah est capable de toutes choses et qu'Allah donc englobe la science, englobe toutes choses par sa science. Il va montrer ici un but, une raya, pourtant c'est une science. C'est le toque, c'est l'ilm bi asma wa sifat. C'est l'ilm bi asma wa sifat. Il va montrer ça qu'avant que les gens sachent qu'Allah donc est capable de toutes choses et qu'Allah donc connaît toutes choses. Et ça c'est une raya, c'est un but. Pourtant, c'est pas un acte. Tu le sais, mais c'est pas un acte dans le sens où on comprend, parce que c'est un acte qui est du cœur, mais tu le sais. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il est donc nul divinité à part lui. Sache le sourate Mohammed, verset 19. Fa'al-ilmu biwahdaniyatihi ta'ala wa annahu la ilaha illa huwa matlubun li dhatihi wa in kana la yuktafa bihi wahda. Certes, donc la science de l'unicité d'Allah Azza wa Jal est demandée par elle-même. Cette science-là doit être connue. C'est pour ça que beaucoup de gens ne l'apprennent pas. Parce qu'ils ne voient pas d'amal derrière. Ils pensent qu'ils ne voient pas d'amal derrière. Parce qu'ils ne savent pas, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Ils pensent que l'islam, c'est juste, tu dois faire des gestes. Ça dépasse ça. Ça dépasse bien le fait que tu dois faire des gestes. Pourquoi tu fais ces gestes? Pour qui? Alors, connais d'abord qui. Et quand tu vas bien comprendre qui, tu vas mieux comprendre pourquoi tu fais ces gestes. C'est pour ça que souvent, les gens le voient comme Jeff. Ceux qui disent, en Arabie Saoudite, ceux qui se disent salafis, ils se disent, hein, que vous savez très bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas salafis, et qui se disent salafis parmi les douades d'Arabie Saoudite, parce qu'ils ont la barbe, parce qu'ils vont commencer par une alhamdulillah, parce qu'ils vont dire sahaha ou foulen, parce qu'ils vont quand même avoir des rôles, ils vont avoir des similitudes avec toi dans ce moment si fait, mais il viendra toujours un jour, il va te dire, comment apprendre le tawhid en une heure? Si toi tu es capable de faire en une heure ce que le prophète s'est mis à faire 23 ans, qui tu es? Tu peux être qu'un imposteur. Cette parole-là, elle est grave en conséquence. Parce que le tawhid, ça ne prend pas une heure. Comment ils veulent apprendre le tawhid en une heure? Alors que rien que la ilaha illallah, on peut écrire des tomes sur la ilaha illallah. Qu'est-ce qu'ils font des salafs qui ont écrit des fois sur peu de versets? Sur peu de versets qui. Et la majorité des écritures sont sur tawhid. Et la personne dit comment apprendre en une heure? Comment bluffer les gens en une heure? Comment mentir aux gens en une heure? Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui vient avec les meilleurs érudits arabes, ils comprennent très bien la langue, ils sont pas venus avec des choubouhettes bien spécialisés, ça rentre dans leur cœur facilement. Alors il les a choisi les meilleurs cœurs parce qu'il a regardé qui ils étaient, il a donné au professeur donc les meilleurs pour l'aider justement à propager, et ça a duré 23 ans, ils étaient peu, ils étaient donc, comme on a dit, arabes, érudits, l'akhili, hein, adorateurs, ils acceptent tout de suite, ils mettent en adoration, et malgré ça il a fallu 23 ans, hein, et après les gens en une heure, c'est même pas comme si on disait, c'est pire que si on disait comment apprendre le français en une heure, en trois leçons. Cinéma, yani, tout ça, c'est ce genre de choses-là. Il ne faut jamais tomber dans ce piège-là en réalité. Ne jamais tomber dans ce piège de ces pseudo-douates qui n'ont pas spécialement la science, qui n'ont pas appris. Sachez que des fois, ils ont un deuxième métier. Le métier, c'est. Il peut être médecin, il peut être ceci, il peut être cela, mais il sait parler. Il sait lire trois hadiths, deux versets, c'est un arabe. Et il endort les gens avec sa belle parole. Et généralement, ce ne sont pas les tourlabs, ils n'ont pas de chouyour. Ils n'ont pas. Sachez. De qui vous prenez la science, et sachez chez qui ils ont appris, chez qui ils ont enseigné. Il faut que le musulman arrête de zakki les gens sans savoir qui il est. Combien de gens ont été zakki? C'est pour ça qu'on n'est toujours pas au bout de nos surprises, hein, par la populace, mais pas par le ulama. Donc il faut qu'on sache réellement qui, c'est quoi son cursus, et ce que les gens disent sur lui, ce que les femmes ont dit sur lui. Quand on dit les gens, c'est les savants, mais pas les gens, la populace, parce que la populace, elle ne sait pas. Après, quand on lui dit non, celui-là n'est pas bien, les gens, ils sont perdus, ils sont perturbés, ça là là. Et des fois, ça les perturbe tellement qu'ils préfèrent une autre voie que la voie de la vérité. Donc, il faut faire attention à cela. De ne pas aimer sans savoir. Est-ce que réellement je prends. Vous connaissez la parole d'Ibn Sirin. Il faut faire en vérité attention à ce genre de choses. Afin d'avoir justement le pied ferme vis-à-vis de ceux qui enseignent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a prédit, même si le tawhid tout seul ne va pas suffire, il faut que tu connaisses maintenant l'ibadat, hein, l'arkan et l'islam, l'arkan et l'iman, ça rentre dans le tawhid, l'islam et les autres, il y aura le hal ou le haram par rapport aux actes. Bel la Bouddha ma'ahu min ibadatihi wahdahu la sharika lah. Il faut avec cela, maintenant que tu as connu le tawhid, donc il faut que tu adores Allah Azza wa Jalla seul sans associer. Mais tu t'es, alhamdoulilah, consolidé dans le tawhid pour l'adorer seul sans associer. Il faut que tu sois prêt par rapport à cela. فهما أمران مطلوبان لأنفسهما. Donc ces deux choses-là, ces deux points-là, le fait de connaître Allah et le fait de l'adorer sans associé, c'est une raya en elle-même. Ce sont deux choses qui sont demandées d'elles-mêmes, à partir d'elles-mêmes. Tu dois adorer Allah sans, tu dois connaître Allah et tu dois l'adorer sans associé. Donc ça, c'est une raya. C'est pas une wasila, c'est une raya, c'est le sens-là. أن يعرف رب تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. Donc de connaître Allah Azza wa Jal par ses noms, attributs, actes et règles. Donc on a ici Asma wa Sifat, Rububiyya et Elohiyya, les trois. Tawhid complet. Al-Irada, donc Tawhid al-Irada ici. On a l'Irada qui est l'Elohiyya. Et il y a aussi l'Ilmi, Tawhid al-Ilmi, Asma wa Sifat et Rububiyya. Pourquoi on dit l'Irada? C'est ce que tu vas faire, ce que tu veux faire. Parce qu'on parle d'Irada, on parle de l'homme, ce qu'il va faire. Il veut ça. Donc il veut adorer Allah. Donc c'est Elohiyya. Et lorsqu'on dit l'ilmi, il veut connaître Allah. Il va le connaître à travers ses actes et à travers ses noms. Asma wa sifat wa rububiyya. Wa an yu'bad bi mawjibiha wa muqtadaha. Allah Azza wa Jal va être adoré par ce qui est demandé de dedans. C'est-à-dire ce qui est demandé en vérité obligatoirement. C'est-à-dire tout ce qui est demandé. Kama anna ibadatahu matlubatun muradahu li dhatiha. Car son adoration est demandée, donc c'est matlouba li dhatiha, par elle-même. On doit adorer Allah Azza wa Jal. فكذلك العلم به. العلم به ومعرفته. Le fait de connaître donc cette science et de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. وأيضا فإن العلم من أفضل أنواع العبادات كما تقدم تقريره فهو متضمن لغاية والوسيلة. Donc la science fait partie des adorations les plus importantes. Donc le fait d'apprendre la science, c'est quoi? Va englober automatiquement El Ghaya. Parce que tu dis, je vais apprendre la science pour avoir la science, pour pouvoir mieux adorer. Mais c'est pas. Et en même temps, mais cette science-là, c'est aussi une Ghaya. Ça s'arrête pas à une wasila. Donc c'est une réponse en fait à ceux qui veulent dire, non, l'amel, c'est ça qui compte. C'est pas la science, c'est l'amel. Qui utilise ça? Qui est-ce qui dit l'amel, l'amel, c'est tout, ça suffit pas l'ilm? Jama'at Tabligh. Jama'at Tabligh. Ils sont en plein dedans. C'est Jama'at Tabligh qui dit ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ils disent. Combien de livres sont dans les mosquées, dans les suicides de soeurs, regardez l'ignorance des gens. Est-ce que l'ignorance est due à cause des livres? Non, ils ont dit à cause du Amel. Ils ont laissé le Amel du prophète. Donc ils disent bien que c'est pas l'ilm, mais que c'est l'Amel. Donc il faut croire que l'Amel est là avant. Qui encore? Tous les Hizbi, à partir de. Hein, donc tous les Qutbi, et tout cela. Tout ce qui est frère musulman. Qu'est-ce qu'ils disent à la jeunesse? Tu veux travailler pour l'islam? Disent pas ça aux gens. Qui a déjà fréquenté ces gens-là? N'a-t-il pas entendu ce genre de paroles? Ceux qui les ont côtoyés, ne serait-ce un peu. Travailler pour la Ummah, travailler pour la communauté. Tu sais comment tu vas travailler pour la communauté? En travaillant pour toi-même. C'est-à-dire en adorant Allah Azza wa Jal tout simplement. Mais pas en. Eux, ils veulent dire un travail, donc c'est comme si de telle heure à telle heure tu viens, tu dois faire tel et tel acte. Et c'est eux qui te donnent les ordres. Et toi, tu crois que tu es en train de, machallah, travailler pour l'islam? Jeûne le lundi et le jeudi comme était demandé par le prophète. Ça, après le asal, s'il n'y a pas de salat nefi là. Lis le Coran. Apprends ta religion. Fais les asal qui sont du matin. Fais les asal qui sont du soir. Ce qui a été montré par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait quoi pendant 23 ans, Nabi sallam? Tout le temps en adoration. Pourquoi tu as besoin d'autre chose? Et ils appellent ça el-amel el-islami. L'axe islamique. Ils l'ont inventé. Et bien, regardez ce qu'ils font. Ils délaissent les gens de la science et ils font ça. Et ils envoient les gens vers quelques œuvres. Ils servent d'eux. Il faut un mini-groupe, un chef, le chef a un. Style la franc-maçonnerie. Et on ne sait pas c'est qui l'autre, on ne sait pas c'est qui l'autre. Et en réalité, ils ont un but derrière. C'est d'avoir des ramifications un peu partout. On utilise qui? Les 18-20 ans, c'est facile. Et c'est qui? C'est souvent ceux qui ont appris le Coran. Je parle dans les pays arabes. On les a retrouvés, c'est des Moutazimis, ils ont appris le Coran quand ils étaient jeunes, ceci, cela. Mais ils n'ont pas appris l'ilm. Ils ont appris le Coran par cœur, pas l'ilm. Une affaire, et après, on les travaille. Et on en fait des. Hein, on fait des style boy scout, on en fait des colonies de vacances l'été, on les habille. Et la majorité de ces gens-là, c'est eux qui ont. Donc, qui sont en général toujours les premiers à faire le khuruj à l'al-hakim. Ce sont eux, ils vont tous se retrouver, c'est pour l'épée contre le gouvernement. Et pour détester ces professeurs, d'abord, les grands savants salafis et la khali. C'est ça. C'est ça le but. Le but, c'est ça. Et donc, c'est quoi? Amel bila ilm. Donc, aimer l'amel, mais détester la science et les savants et les hommes de science. Parce que pour faire détester aux gens la science, tu fais quoi? Tu débrouilles pour qu'ils détestent d'abord les gens de science. les savants. C'est comme ça que ça se passe, de façon bien sûr générale. Mais c'est comme ça que ça se passe. Leur vie, elle est comme ça. Moi, on connaît. On connaît bien parce qu'on vit avec eux. Comment ils commencent petits, comment ils grandissent. On connaît le chemin. Quand on les voit là, s'ils continuent dans ce chemin-là, on sait où ils vont se retrouver. Non. Donc, pour ça, il faut faire très attention par rapport à ça. De savoir où on va et où, là aussi où on met nos enfants. Donc ici, il entre dans plusieurs choses. Donc il y a un grand débat par rapport à cela. Donc je vais le passer afin pas qu'on se perde et qu'on se trompe. El wajhu at-tasi'u wal 20 ba'd al-mi'ah. Al-'ilmu sabilu as-sa'ada. Donc le 129e point. La science est le chemin au bonheur. Ma rawahu al-Imam Ahmad wa at-Tirmidhi min hadith Abi Kabsha al-Anmari. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي في ماله ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأحسن المنازل عند الله ورجل أتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته وهما في الأجر السواء ورجل أتاه الله مالا ولم يؤتيه علما فهو يخبط في ماله ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهو بأسوأ المنازل عند الله ورجل لا يؤتي الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته وهما في الوزر سواء حديث صحيح صححه الترمذي والحاكم وغيرهما ici donc hadith donc la science est le chemin au bonheur hadith rapporté par l'imam Ahmad al-Tirmidhi authentifié donc où Abu Kabsha Al-Anmari rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit certes la dunya, c'est-à-dire dans la dunya, en vérité dans la dunya, il y a quatre catégories de personnes par rapport à la dunya. Pour prouver en vérité que tout revient en ilm. Dans la dunya, tout revient en ilm. On peut placer tous, on peut se situer par rapport au ilm. C'est comme ça. Serviteur dont Allah a donné en subsistance de l'argent et de la science, et lui. Donc il a craint Allah Azza wa Jal dans ses biens et il a bien sûr donc gardé les liens de parenté. Yasselufi Rahima, il n'a pas oublié sa famille. Il a des liens, il a des devoirs, il les garde, même qu'il est riche, malgré qu'il est riche. C'est pas que je suis riche et j'oublie tout le monde. Yarakulahel, souvent on retrouve ça parce que c'est parmi les plus grandes turpitudes. C'est parmi les premières divisions. Si tu t'es divisé avec ta famille, comment tu vas te diviser avec les autres encore plus facilement? Mais imaginez vu une multitude de familles soudées, tout le monde. Il y aura beaucoup moins de division même chez les gens. Parce que la famille, elle importe. Crois pas comme ça, mais elle fait partie de la première facilité pour que la communauté elle, se divise. Le fait de protéger déjà tout ça. Ça va ramener, donc ça va être une entité, une force. Donc, il tisse les liens de parenté. Et il sait qu'Allah il y a des droits par rapport à ça. Il connaît les droits religieux par rapport à cela. Lui, bien sûr, il fait partie de ceux qui ont le meilleur niveau, le meilleur degré auprès d'Allah Azza wa Jal. Et un homme dont Allah Azza wa Jal a donné de la science, mais il ne lui a pas donné de bienfaits, d'argent ou de biens. Et il dit, si seulement j'avais les biens de Fulain, j'aurais fait comme lui. J'aurais fait du bien avec mon argent. Et lui, donc il le fait avec sa niya, avec la bonne intention. Et auprès d'Allah, il a la même récompense que celui qui a fait du bien avec cet argent-là. Il y a un homme dont Allah lui a donné donc, des biens, mais il ne lui a pas donné de science. Et lui, il fait n'importe quoi avec cet argent-là. Hein, et il ne craint pas Allah Azzawajal, il ne retisse pas les liens de parenté, il ne connaît pas les droits d'Allah dessus, celui-ci fait partie des pires auprès d'Allah Azzawajal. Il y a un homme dont Allah Azzawajal n'a donné ni science ni bien, et il dit, c'est seulement j'avais de l'argent, j'aurais fait comme lui en parlant de cette personne qui est mauvaise, j'aurais fait la même chose que lui. Lui, alors qu'il n'y a rien, il n'a pas fait le mal que l'autre a fait, et pourtant lui et l'autre, ils auront les mêmes péchés. Ils sont équivalents aux péchés, dans les péchés. Parce qu'il y a la niya de faire du mal s'il y avait l'argent. S'il y avait le haram. Il va tout oublier. Et il va partir, donc il va partir dans le haram avec cet argent. Donc c'est un hadith qui est authentique. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم أهل الدنيا أربعة أقسام. النبي صلى الله عليه وسلم donc a divisé les gens ici en quatre catégories de personnes. خيرهم من أوتي علما ومالا فهو محسن إلى الناس وإلى نفسه بعلمه وماله. La meilleure des personnes est celui qui a reçu de l'argent et des biens, donc celui qui a reçu de la science et des biens, et il est bienfaisant envers les gens et envers lui-même par sa science et par ses biens. Et vient après lui, ويليه في المرتبة من أوتي علما ولم يؤت مالا وإن كان أجرهما سواء. Donc celui qui vient en dessous, donc un degré moindre, il a reçu de l'argent. Il a reçu à la fois de la science, mais n'a pas reçu d'argent. Il a la même récompense auprès d'Allah donc, que l'autre. فَذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ بِالنِّيَّةِ Juste avec quoi? Avec la bonne intention. Vous voyez l'importance de l'intention. La bonne intention lui a permis d'avoir les hasanat, et pourtant il n'a pas mis en pratique. Parce que sincèrement, s'il l'avait, il l'aurait fait. Sincèrement, s'il avait cet argent, il l'aurait fait. Ce n'est pas des paroles donc, en l'air. وَإِلَّا فَالْمُنَافِقْ المتصدق يعني فوقه بدرجة الإنفاق عفوا جي المنافق جي مستروبي المنفق donc celui qui donne c'est pas le munafiq عفوا وإلا المنفق المتصدق فوقه بدرجة الإنفاق والصدقة والعالم الذي لا مال له إنما سواه في الأجر بالنية الجازمة المقترن بهما مقدورها وهو القول المجرد. Donc celui qui a donné, il est meilleur que celui qui n'a pas donné par rapport à l'acte. C'est-à-dire que celui qui a eu la science, mais n'a pas eu d'argent, il a pourtant eu la même récompense. Pourquoi? Parce qu'il avait l'intention ferme, qui lui a permis, donc de quoi? Donc ça lui a fait dire une bonne parole, et ça lui a permis d'arriver au même niveau. À cause de quoi? Donc, d'avoir eu la bonne niya. Ça lui a permis d'avoir la même récompense que l'autre. Même s'il n'a pas le même degré, mais il a la même récompense. Thalithu man utiya malan wa lam yuta ilman fa hada aswa an-nas manzilatan 'inda Allah li'anna malahu tariqun ila halakihi fa law 'adamuhu la kana khayran lahu fa inna utiya ma yatazawwadu bihi ila al-jannati fa ja'alahu zadan ila an-nar. Le troisième est celui qui a reçu de l'argent, mais n'a pas reçu de science, et fait partie des pires des personnes, car son argent est pour lui un chemin vers son péril. S'il n'en avait pas, ça serait peut-être bien meilleur, ça serait meilleur pour lui s'il n'avait pas eu cet argent-là. Il n'aurait pas pu faire tout ce mal-là avec cet argent, car il a été. Donc il a reçu pas ce qu'il. L'amène au paradis, pas ce qui va le ramener au paradis, mais plutôt ce qui va l'amener donc en enfer. Rabi'u man la yuta lam yuta malan wa la ilman wa man niyyatuhu annahu law kana malun li'amali la'amila fihi bi ma'siyatillah. Et celui qui n'a reçu ni science et ni argent, et sa niya que s'il avait reçu de l'argent, il aurait fait comme celui qui commettait des péchés, celui qui désobéissait à Allah. Fahada yali al-ghani al-jahil fi martadati في المرتبة ويساويه في الوزر يعني بنيته. Donc lui il suit le riche en, dans le degré parce qu'il est le quatrième, mais il est pareil que lui dans le péché à cause de sa niya. Sa niya elle était jazim, c'était une conviction ferme. S'il y avait de l'argent, il aurait fait du mal. Donc c'est ce qu'il a ramené à ça. فقسم السعداء قسمين. Ici النبي صلى الله عليه وسلم il a donc diviser les bienheureux par deux parties. وَجَعْلَ الْعِلْمَ وَالْعَمَلْ بِمَوْجِبِهِ سَبَبِ سَعَدَتِهِمَا وقسم الأشقياء قسمين وجعل الجهل وما يترتب عليه سبب شقاوتهما. Donc les ceux qui ont il a fait que la science et la mise en pratique amènent au bonheur obligatoirement, c'est-à-dire la science et la mise en pratique. Et il a divisé aussi les malheureux en deux, l'ignorance et aussi, donc là ici c'est l'ignorance, et ce qui amène à la science, les actes qui vont découler, excusez-moi, de l'ignorance. L'ignorance et les actes de l'ignorance. L'ignorant, il ne connaît pas, il ne sait pas ce qui est haram. Mais ça l'amène à sa perdition. فعادت السعادة بجملتهما إلى العلم وموجبه والشقاوة والشقاوة بمجمل بمجملتهما لا عفوا بمجملتها إلى الجهل وثمرته. Donc il a retourné السعادة بجملتها, donc le سعادة, donc le bonheur, à la science et à ce qui amène à cette science, ce qui va découler de cette science, et le malheur à l'ignorance et ce qui va découler de cette ignorance. Donc on va s'arrêter là. Et on fera donc le reste la prochaine fois, Inch'Allah. Parce qu'il reste, il reste une dizaine de pages, alors autant le faire en deux dars, Inch'Allah. Barakallahu fikoum, subhanakallahu bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Il reste un point, mais il est long. Il fait 10 pages. Amin.